existentielle. C'est-à-dire que sur la vie d'un homme, tu es obligé de répondre correctement. Tu te tiens ? Oui. Alors, tu expliques, tu as dit que tu trouves que tu adores Samuel L. Jackson. D'accord. Ouais, surtout dans ce rôle-là, je trouve. Si tu as le choix entre Gamora et Samuel L. Jackson. Gamora, bien sûr. Peut-on dire que le doute t'habite ? Exactement, le doute m'habite. Un doute m'habite. Moi, je choisis Gamora et L. Jackson. Ouais, voilà. Bienvenue, oula, je me suis éclaté l'oreille gauche. Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode de Marvelicious, deuxième épisode de cette trilogie sur la nouvelle série de Marvel Studios, Secret Invasion, l'invasion secrète pour les Québécois. Voilà. Et je suis accompagné. On va faire un jour un épisode qu'on a ASMR. C'est ouais. L'épisode le plus. Ça va endormir tout le monde. Et je suis accompagné aujourd'hui de deux stars du podcast. Cas Game et une star surtout du YouTube Game et Podcast Game. Voilà, j'y arrive. Bonjour Olivier. Bonjour. Oh, ça va. Ça va ? Ouais, nickel. Ça va ? Oui. La faux forme ? La faux forme. La faux forme, la faux forme. La faux forme. Forme de ce temps. Mais oh, le meilleur. Oh là, il est toujours là. Mon binôme. Mon siamois. Oui, ça se dit, comme les chats. Mon siamois, on peut dire ça, Mika. Bonjour, Mika. Salut. Tu vas bien ? Ça va, on essaye, on est en vacances, on profite. Alors, vous ne le voyez pas, les gens, puisqu'on est en podcast, mais à chaque fois que Mika est là, sur Skype, il a sa paire de lunettes de soleil. Je peux révéler le secret du pourquoi. Vas-y, révèle-nous le secret du pourquoi. Parce que mes normal, je les ai fait tomber et un bus a roulé dessus. Merde. Ah merde. Un bus a roulé dessus. Ah, vous voulez qu'il roule sur les lunettes. Ah ouais, quand j'étais au dépôt, je les ai fait tomber, le bus d'à côté s'est garé en roulant dessus. Voilà. Bon bah écoute. Bon au moins on peut dire que t'es un Men in Black. Voilà. Tu en sais trop. C'est trop. Vas-y, flash-moi. On se voit aujourd'hui donc du coup pour ce deuxième épisode de Marvelicious où on fait un bilan de, alors c'était mi-saison normalement, mais on a eu des difficultés la semaine dernière pour une organisation spéciale avec Olivier pour un week-end spécial aussi, donc voilà, donc je vous invite à voir la dernière vidéo d'Olivier sur ce point, et donc du coup on a préféré reporter à aujourd'hui, et on regrette l'absence de notre bien-aimé Laurent Cinématique DLP, qui ne pourra pas être là, mais il sera là après. Enfin, pas après, mais la semaine prochaine, normalement. Voilà. Donc, les gars, je vous propose, c'est de faire les épisodes. Alors, on va pas non plus faire minute par minute, mais je vais prendre sur l'épisode 2 à 5 les éléments, on va dire, qui peuvent faire débat ou autre, enfin, intéressants de chaque épisode. Et si un élément qui nous intéresse, qui nous interpelle plus qu'un autre, eh bien, je vous invite à ce qu'on en parle, sachant que la semaine prochaine sera le troisième épisode de Marvelicious consacré à Secret Invasion, appelé aussi l'invasion secrète. Oui. Parce qu'un secret, ça se murmure, tout le monde le sait. Voilà. Alors, cet épisode 2, qui fait la suite, qui est la suite de l'épisode 1, mais aussi avant l'épisode 3. L'épisode 3. Tout à fait. Qui lui-même est avant l'épisode 4. Tout à fait, on va les faire. Je te propose de le faire à chaque fois. Donc cet épisode 2, qui est de Secret Invasion, où on continue à voir les aventures ou mes aventures de notre cher et tendre Samuel L. Jackson, qui interprète le rôle de Nick Fury depuis le début du MCU. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet épisode de Secret Invasion va un peu plus en profondeur sur l'arrivée des Skrulls sur la Terre. Donc on sait qu'ils sont là depuis 30 ans. Nous en avons parlé à l'épisode et on a remarqué qu'Olivier était très fort en maths. Oui. Hein, là-dessus. Et question, les gars, on a revu Samuel L. Jackson rajeuni. Question, oui. Olivier. Oui. Est-ce que ça t'a plu de voir, ou est-ce que c'est pour toi bien fait de voir ce Samuel L. Jackson rajeuni? Oui, je trouve même que c'était mieux fait que Harrison Ford, son rajeunissement dans Indiana Jones. Ah oui, ils l'ont rajeuni? Au début, oui. Au début, oui. Donc, D'accord. On voit dans la bande-annonce, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas un spoil. Hein, c'est, on voit dans la bande-annonce. Non, j'ai trouvé ça super bien fait. Et effectivement, si on se doutait pas que c'était un rajeunissement, ça se voit pas, quoi. Moi, j'ai trouvé ça bien fait. Ça fait un peu. Hein. J'ai pas vu de. Toi aussi, Mika ? Ils l'ont juste rasé. Voilà. Ils ont retiré les rides. Pas le crâne, juste la barbe. Ils ont lissé le visage. Ils ont mis, tu sais, la crème d'hémorroïdes pour enlever les rides. Tout le monde le sait, ça. Voilà. Ah. Donc, en fait, on voit ce moment en fait, où on découvre Samuel L. Jackson. Et vous savez, du coup, il rencontre qui ? Lors de cet événement-là ? His wife. Qui ça ? J'ai pas entendu. His wife. Sa femme. His wife, oui, non, oui, d'accord. His wife, c'est vrai. Il rencontre ça, mais c'est pas quand il est rajeuni, quand même. Quand il est rajeuni, il rencontre Gravik pour la première fois. Oui, Gravik, mais on le voit plus jeune avec sa femme. Il est présenté par Soren. Ah oui ? Oui, on le voit plus jeune avec sa femme, mais... C'est un peu plus tard, peut-être. C'est un peu plus tard, oui, c'est pas dans cet épisode-là. L'épisode voilà. D'après. Et on apprend qu'à la base, ils étaient quelques Skrulls. Hein. Je ne sais plus combien. C'était pas une trentaine qu'ils avaient dit ? Je me rappelle plus. Je sais plus. 19. 19, ok. 19. Et on apprend qu'il y en a maintenant 1 million. 1 million qui ont élu domicile sur la belle planète bleue. A priori, les derniers d'espèces, comment... ce qu'ils avaient l'air de dire. Oui, c'est les derniers d'espèces qu'ils disaient. Et on apprend que justement, il y a tellement de Skrulls. Et là, on voit un Nick Fury en panique. En panique totale. Et pourquoi Olivier est en panique quand il apprend qu'il y a 1 million de Skrulls? Bah, il pensait pas qu'ils étaient autant déjà. Et on le. Oui, c'est ça. Il n'était pas au courant. Ce fut un choc. On m'a pas prévenu. Bah, on m'a rien dit. Ouais. Donc effectivement, on est à ce moment-là où on en sait un peu plus sur l'invasion secrète et où on avait une dizaine de Skrulls sur la planète. Où Nick et Captain Marvel s'étaient engagés à leur trouver une planète et il apprend qu'aujourd'hui ils sont 1 million. Alors on connaît, on voit, je ne sais pas si cet épisode-là où on voit dans le train où il s'énerve. C'est dans le train qui est. Si, c'est celui-là, c'est dans le train. Ouais, c'est dans le train qui s'énerve après Talos. C'est ça. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il fait une référence aux soldats de l'hiver. C'est pas celui. À un moment, il dit. Il parle d'Alexander Price, il dit oui. Il s'engueule avec Talos et il dit oui. Il fait référence en fait à Alexander Price qui dirigeait le Shield pendant l'époque de Captain America, le soldat de l'hiver. Et c'était Robert Redford qui jouait. Ça vous dit rien? Peut-être pas. Oui, c'est un de mes Marvel préférés. Mais il fait juste une référence petite. Il dit vite fait ça, mais voilà, on a cette référence-là. Donc, on a quand même des références à Captain Marvel pour l'époque. Et puis, il a fait une référence aussi à Captain America, le soldat de l'hiver, en parlant de Alexander Pierce, qui était incarné par Robert Redford. Et on a aussi une référence, je crois que c'est aux Avengers. Parce qu'en fait, à un moment, il y a le conseil des Skrulls. Oui. Et on apprend que Talos, c'est le général Skrull, si je ne me trompe pas. Et en fait, il est déchu et c'est Gravik qui devient le général du coup, des Skrulls. Et là, il se passe qu'il y en a un qui a osé dire « va peut-être pas falloir faire trop les malins, puisqu'on peut craindre un retour des Avengers ». Et on sent que Gravik est pas bien quand même à ce moment-là. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, un petit moment d'angoisse, ouais. Mais il leur dit quand même que tout est déjà prévu. Oui, c'est vrai. Gravik lui dit, vous croyez que je n'y ai pas déjà pensé. C'est ça. Et là, justement, belle introduction, belle transition plutôt. En regardant précisément le film, on a parlé avec Olivier, d'ailleurs, je crois, le week-end dernier. On voit sur un ordinateur qui est dans la base des Skrulls, des références à des créatures. Mmh. Alors, Olivier, tu as eu le souvenir de... Bah, en fait, j'ai compris le truc tout de suite parce qu'en fait, il parlait d'une machine secrète qu'il allait leur donner des pouvoirs. Et on, sur un écran, on voit Groot. Et dans la bande-annonce, on voit justement le méchant étendre un bras de bois comme un Groot. Donc, j'ai tout de suite compris qu'en fait, ils allaient récupérer des pouvoirs de plusieurs espèces. C'est ça. Et en fait, on le voit effectivement... Mmh. C'est ça. Et en fait, on découvre aussi qu'ils créent des super Skrulls. Alors, un peu comme chez nous, les humains, des super soldats. On a ce parallèle qui est fait par... on découvre qu'en fait, ils sont en train de créer des super Skrulls. Et on découvre justement sur l'ordinateur. Moi, j'ai trouvé... Enfin, j'ai mis pause. Je sais pas vous, mais j'ai mis pause. Non, parce que j'ai vu le truc passer. Hop, j'ai remis 10 secondes en arrière. J'ai mis pause. Et en fait, il y avait d'autres... Il y a d'autres personnages ou personnes monstres, on va dire plutôt ça, qui apparaissent. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Non, j'ai pas fait trop gaffe aux autres, mais c'est surtout Groot qui m'a marqué. D'accord. Bah oui, en fait, c'est le plus gros que tu vois. Mika, tu as regardé un petit peu, non, ou... Alors, je suis revenu vite fait en arrière pour regarder, parce que j'avais vu qu'il y avait Groot, j'étais pas sûr. De souvenir, t'avais un truc de glace, ou un truc qui faisait référence à les pouvoirs de glace, juste en dessous, sur une des races. Mais j'ai pas trop eu le temps de faire attention. Alors oui, alors je vais te dire, c'est alors t'as Groot, c'est sûr. T'as aussi, comme tu dis, une sorte de monstre de glace. Et en fait, je me suis renseigné. Et effectivement, c'est un monstre de glace qui date du premier Thor. Et j'ai été voir. Et en fait, il y a un monstre des glaces dans le premier Thor. Effectivement, en tant que tu le dis, ça me dit quelque chose. Au tout début, en fait, il est avec ses amis et en fait, ils ont dû récupérer un échantillon d'ADN, je pense, de cette créature-là. Et j'ai été voir, effectivement, ça correspond bien. J'ai regardé l'image, ça correspondait à peu près. On a une sorte de monstre des glaces et en fait, ce monstre des glaces, c'est celui du tout début du premier Thor, à l'époque où Thor était un bon film. Hein. On est d'accord, Mika? C'est le seul qui est bon d'ailleurs. Dans le 2, ils ouvrent des passages et qu'il y en a un de ces monstres-là qui se barre et qui arrive justement sur Terre. Et tu le vois tout à la fin continuer à courir tranquillou sur Terre. J'ai entendu Olivier, c'est pas bien ce que tu as dit. Tu as dit quoi? Bah si, j'assume totalement. Il a dit j'ai aimé Thor Ragnarok. J'adore Ragnarok. Pas le dernier, hein. Celui d'avant. Non, mais c'est pas son corps, Ragnarok, pas... parce qu'il est vachement différent, mais. Moi, j'ai trouvé. On va pas revenir dessus, mais quand même, Olivier. Non, mais je trouve. Non, mais c'est vrai. Mais je t'avouerai que ceux qui. C'est les gens le détestent ou les gens l'aiment bien. C'est... Oui, non, mais c'est comme Ant-Man 3. Hein. Soit tu le détestes, soit tu l'aimes pas. Hein. Soit tu le détestes, soit tu l'aimes. Il y a une troisième référence alors que j'ai regardé sur l'ordinateur, il y avait écrit Cul Obsidiane et en fait j'ai tiqué. Et Cul Obsidiane, c'était l'un des acolytes, tu sais, de Thanos. C'est celui en fait où Doctor Strange lui coupe. Non, c'est Wong. C'est Wong. Le bras, ouais, le poignet. Ouais, ouais. Et en fait, du coup. Qu'est-ce qu'il y a, Mika? Le très costaud. Oui, le balèze. Très costaud, ouais. Bah, tu le vois, c'est tout début d'Endgame. Non, d'Infinity War où. Où Wong il lui coupe un bras en fermant la porte, le portail. Oui, ils n'ont jamais fait ça sur Thanos, mais on ne le dira pas. Mais dans tous les cas, du coup, et il y en a encore un, et d'ailleurs, ils en parlent dans le film, c'est du virus Extremis. Ils en parlent dans la série, pardon. Alors là, il faut monter. Voilà. C'est l'ADN qui contamine. C'est dans Iron Man 3, je crois. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. En fait, c'est. Vous savez, il y avait un gars qui était très instable parce qu'il avait ce virus-là. Mmh. Et qui fait exploser. Tout, quoi. Donc voilà, c'est dans Iron Man 3, je crois. D'ailleurs, c'est. On voit bien, d'ailleurs, dans l'attaque. C'est aussi ce qu'il a, le méchant, à la fin, là. J'ai oublié son nom parce qu'il était pitoyable, mais. Voilà, on a quand même quelque chose qui est incroyable dans cet épisode-là. On a on apprend qu'il y a un conseil des Skrulls quand même. Bon, en même temps, entre 10 et 1 million, il y a bien un conseil des Skrulls. Donc, ils sont quand même organisés au sein du monde de la Terre. On a une hiérarchie. Enfin, on a vraiment que c'est un gouvernement dans un gouvernement. C'est qu'apprendre qu'ils sont surtout vachement bien placés. Hein. Parce que l'autre qui les menace en leur disant non mais j'ai trop de temps derrière moi et compagnie, j'ai qu'un truc à dire pour que l'armée attaque. Oui. Et, ouais, on, et on a aussi une discussion à la fin où on était content. C'est d'ailleurs on le savait, ça fait depuis Avengers Endgame qu'on l'a pas revu, je crois. Ou... Je suis pas sûr, non. Peut-être Infinity War. En tout cas, on revoit Rhodes. James Rhodes. Rhodes. Ouais. Voilà. On le revoit avec une discussion. Alors, Olivier, ça fait plaisir de revoir ce personnage-là ou pas ? Oui, pas plus que ça. Pas plus que ça ? Bon, est-ce que pour toi, il a, dans cette conversation qu'ils ont, est-ce que bon, on sait que c'est un Skrull, mais à ce moment-là, est-ce que pour toi, c'est un Skrull ou est-ce que c'est le James Rhodes que l'on connaît ? Non, pour moi, c'était un Skrull. Direct ? Ouais. Et toi, Mika ? C'est le ressenti que j'ai eu après. Alors, oui. Moi, je suspecte depuis l'épisode 1, quand on l'a vu avec le président, je l'avais dit déjà que ça, il était trop suspect pour être là. Non, mais ouais, je l'avais dit au premier épisode, je lui ai dit c'est sûr que c'est un Skrull. C'est sûr que c'est un Skrull, et du coup, de le revoir. Il ne serait pas là. C'est ça, c'est qu'il ne serait pas là, sinon il n'avait pas vraiment d'utilité à y être. Ouais. Et pour le coup, non, c'était prévisible que c'en était un. Puis son comportement, il est chelou dans sa manière de parler et compagnie par rapport à Rhodey, quoi. En tous les cas, on a James Rhodes qui explique qu'il savait qu'il y avait une invasion Skrull et que la scène dans le bar est excellente entre les deux. Ouais, avec les... Dans le bar, ouais. Mais pas dans le restaurant. D'ailleurs, la scène de l'épisode 4 est aussi, mais c'est le 4 ou le 5, qui est aussi excellent. Mais dans, on a cette idée en fait où James Rhodes revient en fait au devant de la scène. Moi, honnêtement, j'aurais pas douté que c'était un Skrull. Hein. Franchement pas. Mais après, en fait, on sait pas trop. En fait, t'es tellement pris dans cette série, c'est un Skrull, c'est pas un Skrull. Tu vois, si, il l'appelle Nick. Bah, ouais. Oui, mais ça, tu le sais, épisode 3 aussi, quand il dit il y a que mes amis qui m'appellent. Personne n'appelle Nick. Depuis Captain Marvel, en fait. Personne n'appelle Nick, même pas sa mère. Il l'a toujours dit. Ah ouais? Je me souviens pas de ça. Ouais, tout le monde l'appelle. Ouais. C'est avec ça qu'il démasque un Skrull d'ailleurs, parce qu'il m'a dit tu m'as appelé Nick. Bah, t'as l'autre. Voilà. Oui, mais c'est dans le 3, ça, c'est épisode 3. Non, mais c'est dans Captain Marvel, ça. Oui, dans Captain Marvel, mais je m'en souvenais pas, tu vois. Heureusement que t'es là. Mais je sais qu'il le redit, en tout cas, du coup, il le redit dans l'épisode 3 où il va avec Talos. De toute façon, on comprend à partir du moment où il appelle sa femme ou il appelle Vara au téléphone pour reconnaître sa voix. Voilà. Il y a ce que j'ai moins pu retenir dans la conversation, c'est qu'à un moment, on aurait cru, j'ai pu comprendre, enfin, parce qu'à la fin, la conversation était bien cette scène-là, mais à la fin, je voyais pas trop où vous voulez en venir, parce que c'était un peu long. Juste vire-le, et puis c'est réglé. Mais à un moment, il parle des Avengers, et on voit Nick Fury dire non, surtout les appelle pas ou les contacte pas, parce que ils vont se faire remplacer par des Skrulls. Voilà. C'est un peu, ça me fait du coup penser aux comics, justement. Où les Skrulls n'attendent que ça, que les super-héros interviennent. Oui, il leur dit de ne pas intervenir, sinon ils prendront leur apparence et les feront passer pour des terroristes. Mais là, c'est pas la vraie raison pour Disney+. Hein. C'est Bob Iger a plus de sous, on ne peut pas mettre des Avengers. C'est vrai. Mais du coup, on a quand même un bon épisode. Enfin, moi, je l'ai bien aimé. Je sais pas vous, mais moi, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il était... On entrait plus dans le vif du sujet que dans le 1. Je sais pas vous. Vas-y. Enfin, moi, personnellement, c'est surtout que ça a confirmé la mort de Maria Hill. Oui. J'étais quand même persuadé que non, elle n'était pas morte. Hein, jusque-là, c'était pas possible. Et que si, ils se sont juste débarrassés du perso. Voilà, trop cher. Allez, hop. Oui, en même temps, elle faisait pas plus grand chose dans les films. Hein. On la voyait toujours 5 minutes par-ci par-là. Mais... C'est vraiment la dégâtée. Moi, j'aurais cru au moins qu'on aurait vu dans cet épisode-là Everett Ross. Parce qu'on l'a vu dans l'épisode 1, mais on l'a pas. Tu vois, je me dis, tiens, il va revenir. Tu vois, un minimum. Même pas. Non, je pense que pour le coup, on va rester sur le côté, c'est trop cher, on peut pas. Ils ont qu'à monter le prix des passes annuelles encore. Voilà. Ouais. Voilà. Et Olivier, du coup, cet épisode-là, voilà, tu l'as bien aimé. De toute façon, j'ai aimé tous les épisodes. Donc, Ah ouais, il y en a que moi j'ai pas trouvé. Enfin, moi j'ai trouvé utile, mais. Après, j'ai surtout le dernier, j'ai trouvé très bon aussi. Enfin, je. On en parlera tout à l'heure du coup. Mais en tout cas, voilà, c'était un épisode plutôt sympathique et qui met bien en bug de micro, voilà, qui met en bouche cette série. Alors, l'épisode 3 qui est d'ailleurs après l'épisode L'épisode 2. 2 et avant l'épisode Et 4. merci Olivier. Heureusement que tu es là. Faire un Vois, je binôme. suis compté un petit peu des fois. Après 30, j'y arrive plus. Voilà, c'est ça. En tout cas, dans l'épisode 3, on a la confirmation. En tout cas, parce qu'on était sur un ordinateur, entre guillemets, on avait des suspicions, mais là, enfin, on sait, c'est très clair, comment il s'appelle, Gravik veut créer des super Skrulls. Je crois que dans le comics, il y a des super Skrulls. Faut que je me rappelle de ça. J'ai un doute. Si, il me semble qu'il y en a qui ont les pouvoirs des héros qu'ils ont copiés, donc. Ouais, je sais plus. Enfin, quand je leur lirai. Mais dans tous les cas, on voit bien qu'il a cette volonté de créer des super Skrulls. Alors, sans doute pour affronter des Avengers, hein. Bah oui, sachant qu'on apprend que, enfin, son but après, il me semble, mais d'avoir les pouvoirs des Avengers, donc. Ouais. Ils n'ont plus d'emmerde, mais ouais. Donc, enfin, pour moi, s'il les crée, enfin, je sais pas toi, Olivier, ce que t'en penses, mais moi, si je pense que s'il les crée, c'est d'abord pour éviter une arrivée des Avengers. Oui, je pense aussi, oui, de toute façon, oui, c'est pour pouvoir les combattre plus facilement, oui. Ça paraît logique, en tout cas. Voilà. Enfin, je pense. Après, c'est pas. C'est pas ou enfin ou que ce soit plus enfin je pense pas que ce soit pour envahir la Terre forcément parce que vu qu'ils ont leur ils sont dans des ils ont pris des gouvernements pris position des gouvernements où ils ont des postes stratégiques vraiment dans le monde je pense pas que ce soit forcément ils aient besoin de super pouvoirs pour ça honnêtement je pense pas parce que je crois que c'est la première ministre anglaise qui est Skrull donc elle a pas besoin forcément de super pouvoirs voilà, donc je pense que essentiellement s'ils les créent c'est pour prévenir d'une arrivée des Avengers. Et c'est aussi dans cet épisode-là, donc on en parlait tout à l'heure, où eh bien, Nick Fury, enfin, du moins, il y a Gravik qui veut absolument la Troisième Guerre mondiale et il veut balancer un missile d'un sous-marin anglais, oui, sur un avion de l'ONU. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. De ce moment-là, entre ce moment où ils mettent ça en place et que Fury et Talos arrivent, qu'as-tu pensé, Olivier, de ce duo sur ce moment-là où justement ils vont dans la maison du commandant, je ne sais plus comment il s'appelle. Qu'en penses-tu, toi, justement, de toute cette scène-là, du duo Fury-Talos? Pour moi, de toute façon, c'est un duo qui fonctionnait très très bien. Moi, j'ai aimé toutes les scènes où ils étaient ensemble de toute façon. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé cette scène. Oui, moi, j'ai trouvé efficace et j'aimais beaucoup la relation qu'il y avait entre les deux hommes, moi, en fait. Je trouve on sentait une amitié. Enfin, les acteurs sont tellement excellents que on sentait une osmose. Enfin, on croyait à leur amitié. Enfin. Oui, moi j'avais plus l'impression que c'était Papy fait de la résistance, tu vois, les deux. Oui, non, mais oui. Bon. Et toi, Mika, t'as bien aimé ce duo-là, justement, qui est là plus prononcé qu'avant, hein. Je le trouve vraiment prononcé, le duo-là. Alors, franchement, je le trouve pas mal, ce duo, il passe bien. Tu sens bien au niveau du jeu d'acteur qui a 30 ans derrière, d'amitié, de connaissance. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Tu le sens vraiment bien là-dessus. De toute façon, Nick Fury ne serait rien sans Talos. Oui, c'est vrai. Il lui fait bien comprendre. Non, je trouve que ça passait bien. Et en plus, cette scène-là, justement, quand ils vont là-bas, je trouve qu'elle met bien la pression. T'as bien ce sentiment d'être dans un film d'espionnage, un truc où ils doivent arrêter une bombe, un truc. Et je trouve que la pression se faisait bien ressentir. Et je trouvais ça vraiment sympa, quoi. Mais c'est là, en fait, on voit toute la puissance aussi du jeu. enfin de d'intelligence, pas de puissance, toute l'intelligence de Nick, c'est que quand on, à l'époque, ils étaient une dizaine, il a dit, je vous trouve en une planète, en échange, vous allez prendre des postes clés dans le monde que je puisse être renseigné. Soit ils faisaient des rôles d'espions, bon, ils sont devenus un million. Mais je trouve que dans cet épisode-là, justement, on voit bien aussi l'importance qu'avaient les Skrulls pour le Shield. C'était un peu les sous-fifres, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ah, on avait cette impression-là où c'était un peu les sous-fifres. Et ça s'est beaucoup plus prononcé, c'est quand il rencontre sa femme, je crois, elle lui donne une enveloppe avec un nom dessus. Alors, j'avais noté le nom. Dreykov. C'est ça. Général Dreykov, ouais. Général Dreykov. Ça dit quelque chose, toi, Olivier, le général Dreykov ? Non, je vois pas, justement. Est-ce que tu as vu Black Widow ? Oui, d'ailleurs. Et c'est par rapport à l'antagoniste, toi. Oui, c'est celui qu'on voit dans le dernier épisode. Ah non, je comprends. Il y a un personnage de Black Widow dans le dernier épisode. C'est le chef de la salle rouge qui entraîne justement les veuves. Oui, mais j'arrive plus à me mettre le visage de l'acteur. En même temps, ce film-là n'était pas marquant non plus. Moi, je l'ai vu en 4DX, je me rappelle bien, mais je ne me rappelle plus. Ça se voit en 4DX, ce film. Ouais, non, mais c'était trop bien en 4DX, sincèrement. Ah bon, ouais. Il y avait de la fumée dans la salle, il y avait de la neige, du vent, c'était sympa. Il y avait de la neige ? Genre, ils ont produit de la neige ? Ouais, du vent, je comprends. Après, Mika adore la 4DX, je pense que... Voilà. Non, non, non, moi, ça me fait vomir. Dit-il alors qu'il est chauffeur de bus, tu sais. Non, mais ah, ça bouge pas tout le temps, hein, attention. Oui, ouais, c'est le film que tu vas voir. Va. Ouais, mais j'imagine le vent et la neige, tu sors avec un rhume de la mort, tu sais. C'était au ski, donc j'ai fait un 4DX. J'ai vu que deux films en 4DX. C'était quoi? Le premier, je suis allé voir Resident Evil. C'était le seul jour où il pleuvait pas ici, il pleut tout le long du film, donc il pleuvait dans la salle. Et l'autre, ce dernier que je suis allé voir, c'est Fast and Furious. J'ai failli vomir. Les sièges n'arrêtent jamais de bouger. Jamais. J'avais vu un Fast and Furious. Enfin, c'était un dérivé là, avec The Rock et puis... Ah oui, non, c'est pas un dérivé. Oui, c'est un spin-off. C'est un spin-off, ouais. Hop, machin et hop. Mais c'est le genre de truc, le spin-off est meilleur que la franchise. Oui, largement, oui. En même temps, The Rock, il est trop bien. Enfin, faut dire ce qu'il est. Ouais. C'est un super acteur. Donc... Donc voilà. Dans ce troisième épisode, donc on a ça, et en fait, on découvre le côté attendrissant de Fury, hein, ou la rencontre qu'il a avec sa femme. Alors, est-ce que vous avez bien aimé, Olivier, ce petit moment de romantisme où il rencontre sa femme? C'est pas facile. Non, pas spécialement, et je... Je trouve que justement c'est une des relations entre les personnages où j'arrive pas à y croire, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie entre les deux comédiens. Moi, ça pour ma part, j'ai trouvé que cet épisode-là était un peu... Alors, c'est un peu le problème avec certains épisodes de Marvel, un peu comme Loki, Mika. En fait, non, ouais, c'est un peu bouche-trou, un peu filaire, tu sais, où tu vois pas trop à quoi sert l'épisode, clairement. C'est ça, c'est celui que j'ai le moins apprécié, en fait. J'ai bien aimé quand même, mais... Et Mika, est-ce que toi, tu l'as trouvé bien, cet épisode-là ? Bah, il y avait des bons moments dans l'épisode, comme je t'ai dit, là, tout ce passage où ils vont chez le mec pour récupérer les codes et tout, où tu avais ce côté espionnage, que je trouvais qu'ils te mettaient bien la pression, jusqu'au dernier moment, tu sais pas s'ils vont vraiment y arriver ou pas. Le côté où il est obligé d'appeler sa fille, machin et tout, puis la fin de l'épisode qui est un peu violent. Je me suis dit, ils vont pas recommencer à nous tuer tous les persos. Mais... On dira merci à Extremis, du coup. Mais du coup, moi j'ai bien aimé cet épisode, quand même. Le côté qu'il rencontre sa femme, tu te rends compte que bah, Fury a peut-être un cœur quand même caché là-dessous. Mmh. Oui, oui, c'est ça, ouais. Après, il fallait en trouver une quand même qui voulait bien accepter une vie de ce genre-là, quoi. Enfin, honnêtement, l'épisode 3, moi, tu vois, c'est ouais, comme Olivier, c'est l'épisode que j'ai moins aimé, j'ai trouvé un peu trop filaire. Maintenant, on va parler d'épisode 4 qui vient justement, Olivier. Juste avant le 5 et après le 3. Tout à fait. Super. Qui suit? Cet homme suit. Cet épisode 4 qui, alors, est quasi. Alors, moi, il m'a pas forcément emballé, mais j'ai trouvé plus intéressant que le 3. Parce qu'on en savait, on en sait un peu plus, notamment sur les relations entre Fury et sa femme. Alors, que savons-nous dans cet épisode-là, Olivier? Tu t'en souviens? le cliffhanger de l'épisode d'avant, c'est là qu'on apprend que, enfin, on entend Rod appeler sa femme, lui demandant de tuer. Enfin, on comprend qu'elle lui demande de tuer Fury, puisqu'elle sort un pistolet. Alors gros truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi elle va à la poste récupérer un pistolet. Parce que c'est là qu'elle cachait son arme. Moi, je sais pas. Je pense que c'est parce que c'est l'arme qu'on lui a donné avec la mission à cet endroit-là d'aller chercher ça là-bas. Oui, c'est ça, oui. Par contre, pour moi, le gros cliffhanger de l'épisode 3, c'est quand même... 4. Non, mais sur le 3, la fin du 3, c'est quand même la mort de l'autre, là, à la fin. Ah oui, c'est vrai. C'est la mort de Gaïa. Enfin... Gaïa, ouais. Oui, on s'en doutait que... Oui. On s'en doutait qu'elle allait revenir. Clark. Emilia Clarke, bon, d'ailleurs, 20 secondes. Emilia Clarke, je la trouve un peu décevante. Ouais, un peu dans cette série, ouais. Elle est pas, elle crève pas l'écran par rapport aux autres acteurs, par rapport à Olivia Colman, par exemple. Après, c'est pas Game of Thrones non plus, hein, où elle doit avoir un rôle rayonnant. Non, mais pas dans ce genre de. Même dans Game of Thrones, finalement, elle est pas très expressive. Oh, non, je trouve pas. C'est son rôle qui l'impose, hein, mais. Oui, mais ouais, je pense qu'elle est. J'ai jamais trouvé, même dans Terminator, elle est pas. J'ai jamais trouvé. Oui, dans Terminator, non, c'est clair. Film n'existe pas. En fait, ça s'est arrêté au jugement dernier. Après, il y a plus rien eu. On est d'accord. Mais ouais, on est d'accord. Dark Fate, c'est un chef-d'œuvre. Non, je déconne. Ouais, non. C'est quand tu allumes Amazon Prime, c'est le seul film, tu vas dans Action. C'est Terminator, c'est vendait des rideaux. Ouais, c'est le genre de film. Enfin, bref. Ils auraient dû s'arrêter à Jugement Dernier, c'était très bien. Bon, bref, dans tous les cas. Je t'avoue que j'ai vraiment cru qu'elle était morte. Hein. Ah bon? Pas moi. J'ai vraiment cru qu'elle était pas Skrull, je crois que t'allais dire ça, moi. Elle était morte. Donc elle était morte à la fin de l'épisode quand elle s'est tirée dessus. D'accord. Non. Merde, ils osent vraiment tuer tous les persos. Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai vu que c'était tiré à l'épaule à moitié, donc j'ai dit, bon, moi, ça peut pas mourir. Et en plus, j'avais trouvé, alors, j'avais dans ma tête, j'ai dit, tiens, elle passe vachement de temps dans ce laboratoire. Oui, j'insiste bien là-dessus. Donc tu te dis, ouais, du coup, elle prépare un coup. Elle prépare un coup, elle peut pas se promener. Elle y allait souvent d'ailleurs, elle y était 2-3 fois, je crois. Et c'est même elle qui a récupéré le code pour son père. C'est là où il garde les corps pour les souvenirs de tous. C'est là qu'elle s'est. Oui, tu vois que c'est là, elle est rentrée dans la machine, elle s'est enfermée dedans. Tu le vois. Ouais, c'est vrai. Donc, mais non, moi je pense qu'elle est juste sur son rôle en fait. Juste la fille paumée. Oui, après, on n'a pas un pas rôle dans l'écriture qui n'est pas non plus super passionnant. Hein. Et je pense que c'est elle qui va affronter Gravik. Hein. Pose-le rien. Moi, en fait, le truc, elle ne sait pas trop où se positionner en fait. Elle ne sait pas si elle doit être rebelle avec Gravik ou si elle doit suivre la voie de son père, tu vois. Elle ne sait pas trop. Ouais, ouais, enfin, moi j'ai mis des petites théories sur le dernier épisode, mais bon. Ah, attends, bah tu nous diras après. Mais ouais. Mais le truc c'est que moi je trouve qu'elle est dans son rôle. C'est pas un rôle transcendant ce rôle-là de Gaïa. Non, mais c'est l'écriture du personnage qui est pas très bien écrit. Hein. Non, c'est ça, complètement. Donc dans cet épisode 4, on a ce moment-là où justement on le savait déjà, mais que c'était Rod qui appelait sa femme. C'est fin l'épisode 3. Il se rencontre dans une église. Ou un resto Une église, voilà. Une église, il y a une discussion, et en fait, Papy Fury avait mis un mouchard sur sa femme. Et là, je ne sais pas Olivier, mais j'ai trouvé Fury blessé, pas toi? Oui, après, on doute tout le temps de ses sentiments, donc... C'est vrai, c'est pas faux. On a quand même un Fury qui paraît triste que sa femme l'ait trahi, quoi, quand même. Oui, mais j'ai ressenti qu'en fait, il savait qu'elle irait pas au bout. Ah, tu pensais? Ouais. Ah putain, moi j'aurais pas cru. Moi, j'aurais cru qu'elle arrivait. C'est comme la scène, une belle scène d'ailleurs, où ils sont tous les deux en train de se confronter dans la cuisine, je crois, de leur appartement. Oui, quand il fait du thé. Oui, qui est une belle scène, et puis. Je l'ai trouvé assez marrante, moi, quand il tire, enfin, je sais pas, il tire l'un à côté de l'autre, tu sais. Oui. Et il a cette répartie où il dit, je sais pas si c'est un moment où on doit se dire au revoir ou si c'est un moment où on doit renouveler nos vœux. Ou renouveler nos vœux de mariage. C'est ça. Franchement, ça c'est drôle. C'est une bonne scène. Ouais, c'est une bonne scène. Bah, en fait, ça m'a fait penser, pareil, c'est une bonne scène, mais il faut pas qu'elle dure trop longtemps. C'est comme Rhodes, tu sais, quand il parle épisode 3, j'ai trouvé que ça durait trop de 2, ça durait trop longtemps. Au moment où il fallait entre l'arrêter. Les deux, moi je sais pas, j'ai enfin je Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, la force de cette série, je trouve, c'est la qualité du jeu des comédiens, je trouve. Ces petites scènes-là, elles sont iconiques, alors qu'en fait, sur le papier, elles sont pas exceptionnelles, mais elles sont tellement bien jouées. Je crois que c'est pour ça que j'adore cette série, parce que les comédiens sont vraiment, je les trouve parfaits, quoi. Ouais, ils jouent bien. En même temps, je trouve que c'est des vieux briscards. Quand tu regardes, c'est pas, comme tu dis, elle est pas transcendante. Emilia Clarke, elle est jeune, c'est une jeune génération. Mais les vieux briscards dans cette série, ils tiennent la route, hein. C'est comme James Watt, l'acteur qui joue bien son nom, qui joue. Je trouve qu'il me surprend. Je trouve qu'il joue vraiment. Alors attends, comment il s'appelle? Dan Cheadle, voilà. Ouais, Dan Cheadle, Don Cheadle, ouais, c'est ça. Et je trouve que en fait, il est bien mis en avant dans cette série. On voit que c'est un bon acteur, alors que il était assez effacé dans les films. Enfin, c'est parce qu'il est un Skrull. Ouais, ou alors on croit que c'est un Skrull. En fait. Il fait croire qu'il est un Skrull et c'est pas un Skrull. Ça se trouve, c'est un vrai Skrull, le gars. Voilà. Ça a toujours été un Skrull. C'est ça. Et c'est ici aussi où justement, après cette scène-là, il va voir James Rhodes avec une bouteille d'alcool. Alors, je crois que c'est du bourbon, du whisky, je ne sais plus. À $5,000 la bouteille, je crois. Il dit un truc comme c'est ça. Pas fini. Hein? Ouais, c'est pour pouvoir le tracer. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait tu apprends que c'est pour le tracé. Et, c'est juste ça, excellent. Et donc, on a Fury et Talos justement qui le tracent. Alors, cette scène-là, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais l'attaque, Olivier, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais l'attaque sur le président, j'ai adoré cette scène-là. Oui, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai trouvé qu'elle manquait un peu d'intensité. En même temps, je pense qu'il garde tout pour la fin parce que. C'est quand même une série qui a un budget pas loin de $300 millions, je crois. Waouh, c'est énorme. Ou 250 millions, enfin c'est un truc énorme. Donc je pense que le dernier épisode va envoyer du pâté, un peu comme le dernier épisode de WandaVision, je pense. Mais un peu comme dans tous, hein. Loki, c'est pareil. Bah, ça envoie pas du pâté, le dernier de Loki. Bah si, quand même. Mm. Bah quand même, il se fait tuer Kang et. Moi, je pense, je pense qu'on aura un Avenger dans le dernier. Bon, après, Loki, il fait débat. Un peu comme Thor Ragnarok. Mais moi, j'ai bien aimé. Bon, bref. Bon. Mais en tout cas, on a donc Fury et Talos, le duo, d'accord, qui est toujours là. Et là, on voit aussi pour la première fois Gravik qui utilise le pouvoir de Groot. Là, tu sais, il balance ses bras. Ce qu'on voit dans la bande-annonce, en fait. Ce que tu vois dans la bande-annonce. Mmh. Et on voit que Fury est malin, puisque quand Talos est levé par un des soldats, Fury, tout de suite, il voit que c'est pas un soldat ordinaire. Excuse-moi, je vais vérifier, c'est $212 millions. C'est un peu moins que ce que je disais. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est pas le salaire de Samuel Jackson, ça? C'est possible. Tout est bouffé par le salaire. En fait, il a coûté 5 millions. Ouais. En tout cas, on a un moment où il y a Fury qui remarque, en fait, enfin qui voit que Talos n'est pas aidé par un soldat ordinaire, et c'est là où Talos meurt. Ouais. Et là, c'est catastrophique. Bah, en fait, fin du duo. Venir depuis le premier épisode. Est-ce que t'as trouvé que cette mort-là est trop soudaine, un peu comme Maria Hill? J'ai trouvé. Marianne Hill, c'était choquant et ça donnait de l'émotion. Là, je trouve que ça me manquait d'émotion. Ah ouais? J'ai pas été touché par sa mort. Alors que on dirait que t'es antipathique comme Mika, toi. T'es... Non, en fait, c'est un personnage que j'aimais beaucoup, en plus. Et que je savais, je sentais qu'il allait mourir. Et j'ai pas trouvé ça... Sa mort est pas mis assez en avant, je sais pas, j'ai pas trouvé ça émouvant, la façon dont Fury le regarde par terre, le laisse un peu comme une... Fury a fait le choix quand même du président et pas de son pote. Hein. Parce qu'à un moment, il a hésité à entreprendre le président et son pote, et il a pris le président. Bon, tu comprends, parce que c'est un soldat aussi. Mais... Et toi, Mika, que s'en a pensé de toi? Alors, j'ai trouvé la scène à l'origine super sympa, toi, cette attaque et tout. Il y a juste un truc, c'est con, mais dans cet univers-là, je comprends pas, le président se fait attaquer, pourquoi il n'y a pas un seul super-héros qui est intervenu, si ce n'est le budget de la série. Alors moi j'ai cru, franchement, j'ai regardé avec Julie et je me suis dit, putain c'est sûr, il y a Captain America qui va arriver. Non, ben, je le voyais bien arriver, tu sais, avec ses ailes, bam, se poser, foutre la branlée à tout le monde. J'arrive pas à comprendre. Je sais que c'est le budget de la série qui a beaucoup joué là-dessus. Hein. Mais normalement, une attaque comme ça, un Avengers aurait dû intervenir à un moment donné. Oui, mais ah, ça, c'est pareil pour tout, finalement. C'est comme. Et ouais, mais c'est pas plus. Ce serait dans les Avengers pour Captain Marvel qui se pointe qu'au dernier film, tout à la fin. Oui, j'étais occupé. C'est un peu. On saura peut-être ce qu'elle a fait un jour. Oui. Mais là, le truc, c'est que. Elle avait le droit d'être occupée, c'est Captain Marvel. Ben, Captain America est occupé. Oui, il est occupé, on sait pas. Ça se trouve, mais tu vois, franchement, j'étais persuadé. Moi, j'ai dit, tiens, c'est bon, il y a Captain America. Je le voyais bien arriver, tu sais, avec ses ailes, top, se poser, mettre la branlée à tout le monde. Ouais, ça aurait pu. Et prendre le président et se barrer avec Fury. Et après, t'avais un petit dialogue entre tous les deux. Et puis après, Captain reprenait sa route, quoi. Ouais, mais tu sens qu'ils ont voulu vraiment tout centrer, du coup, sur Fury. Et ben, je trouve ça dommage, enfin dommage entre parenthèses, parce que du coup, ça nique un peu le principe de l'univers étendu avec tous les personnages dans le même monde, quoi. Et c'est un truc que je trouve un peu gênant, d'ailleurs, c'est un peu le souci dans la plupart des films. Quand les autres n'interviennent pas, tu te demandes pourquoi. Le monde est en danger, tout le monde le sait, mais il n'y en a aucun qui est présent à ce moment-là. Ouais, oui, oui, mais. Sinon, sur cette scène, ben, je suis un peu d'accord. La mort, je la trouve pas exceptionnellement mise en avant. Il meurt pas de façon ultra-héroïque. Oui, en fait, en brisant une fenêtre. En brisant une fenêtre pour sortir le président. Et en plus, il est mi-Skrull, mi-Talos. Enfin, mi-humain sur le visage. Et parce qu'il s'est fait tirer dessus, qu'il est en train de redevenir un Skrull. Donc tu sens qu'il est mourant et qu'il faut le soigner à ce moment-là. Et ouais, le fait juste qu'il lui plante un coup de couteau dans le cœur, quoi. Bah... Je sais pas, c'est la mise en scène. Je trouve qu'il n'y a pas eu d'émotion. Alors que pourtant. De quelque chose, il s'est fait tuer par le méchant de la série, quoi. Mais c'est pas, je trouve pas ça héroïque, je trouve pas ça. Le perso aurait vraiment mérité mieux, quoi, en termes de mort. Il serait pris une balle pour le président, un truc comme ça, montrant que. Ou pour Fury. J'étais plus touché par la mort de Maria Hill. Hein. Pourtant, ouais, c'est un personnage qui m'intéresse pas plus que ça, quoi. Moi aussi, parce que c'était choquant, c'était dingue. Voilà, ouais, je comprenais pas pourquoi. Surtout, je comprenais pas, alors que là, franchement, il serait pris une balle pour sauver Fury. Bah, tu te serais dit, putain, le mec s'est sacrifié, jusqu'au bout, il aura été là pour lui, quoi. Alors que là, que dalle, il s'est pris une balle presque perdue à la con. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve ça dommage de perdre un personnage comme ça, aussi bêtement, quoi. Mais bon, après, cet épisode. Est-ce que cet épisode-là, Olivier, t'a marqué? Est-ce que tu l'as plus apprécié que les autres? Non, j'ai pas plus apprécié que les autres. J'ai bien aimé effectivement la scène finale. Moi, je te dis, j'étais un peu déçu par la mort de Talos et par la réaction à peine triste de Fury, en fait. Ça manquait cruellement d'émotion, je trouve. Oui, pour un personnage pourtant qui a été vital, aussi important dans le MCU quand même, il a remplacé Nick Fury. Autant tu sens tous les dans les autres épisodes, tu sens l'alchimie entre eux, tu ressens réellement l'amitié qu'ils avaient, et ça aurait dû être une scène forte et déchirante, et ça ne l'est absolument pas, quoi. Tu dis, ah oui, il est mort. C'est ça, ouais. Oh bah il est mort. Oh bah voilà. et honnêtement, j'aurais cru, moi, s'il était mort, enfin j'avais un peu l'idée qu'il allait mourir, mais je crois qu'il était mourir sur des mains de sa fille au tout début, tu vois. En fait. Bah, c'est il mort sèchement par. Bah, il mort en tous les cas, héroïque quand même pour sauver. Oui. Mais cet épisode-là, je le trouvais moins filaire que dans l'épisode 3, tu vois. L'épisode 4, je le trouvais un peu plus important. Là, on voyait un peu plus quand même la façon dont Gravik. On souhaitait voir les Skrulls arriver au pouvoir quand même. Mmh. Parce que là, c'est carrément une attaque du président, etc. Donc, j'ai trouvé un peu plus des États-Unis en plus. Mmh. J'ai trouvé un peu plus intéressant. Voilà, moins filaire. Voilà. Mmh. Ça met bien en place. Celui-là sert un peu plus que le 3. Celui-là sert plus que le 3 quand même. Hein. Parce que dans le 3, je crois que il explique que le 3, enfin, il a fait cette simulation de. Enfin, il a fait créer cet attentat de missile pour trouver la taupe de base. Mais je pense qu'il aurait pu trouver Gaïa comme taupe autrement que par cet épisode. En tous les cas. Voilà. Nous en sommes à l'épisode 5. Vous voyez, ça va vite. Hein. En final, il y a quelque chose à dire à chaque fois. Tu vois, Mika, toi, tu n'aimes pas forcément cette série, mais tu vois bien qu'il y a des choses à dire quand même. Tu vois. Mais comme je dis, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je la trouve pas transcendante. Voilà, c'est ça. Bah non, après oui, mais elle est quand même agréable à regarder. Excuse-moi, mais moi quand je vois, quand je regarde, je dis oh putain, il reste assez. T'as bah, le temps en bas. Il reste un quart d'heure. Je vais choquer tout le monde, je pense. Je trouve que c'est pour moi, hein, c'est la meilleure série Marvel. Je la trouve même meilleure que WandaVision, qui était très très inégale, qui était très bien au début. Enfin oui, donc voilà, c'est. Alors moi, je te dirais que l'une des meilleures. J'hésite entre WandaVision et Hawkeye. Hawkeye, j'ai bien aimé aussi. Mais pas... Moi, j'ai adoré. Ouais, j'ai bien aimé. Pourtant, alors, elle a... Bon, je crois que c'est celle que j'aime le moins pour le moment, celle-là. Mais si, celle, si tu, celle que t'aimerais le plus. Tu préfères She-Hulk que t'aimes le... Oh, pardon. Benji. Ah, She-Hulk. Ah, attends, attention, parce que là. J'ai rien dit. She-Hulk est la pierre. Non, mais non, arrête, elle est bien. Elle est bien. C'est, elle est bien, c'est juste qu'en fait, les gens n'ont pas l'habitude qu'on casse le quatrième mur, et puis voilà. le premier épisode était bien. Oui, ouais, il était bien, même plutôt bien fait, point de vue effets spéciaux, mais alors après... Attends, cette scène, ouais, tu sais, moi, il y a une scène qui me marque quand je la vois, cette série-là, qui vous présente bien que cette série est tellement drôle. C'est quand elle cherche un mec absolument, et qu'elle trouve un mec qui accepte de la rencontrer que si elle est en Hulk, et qu'elle est... Elle, le mec, c'est un mec méga baraqué qui sort des... Tu sais, qui fait muscler, et puis elle le lève comme ça. qu'elle l'emmène. J'ai trouvé ça tellement drôle. Non, moi, j'aime bien cette série-là. C'est pas la meilleure, mais moi, j'ai pris du bon temps à regarder. Pense que c'était la pire, sûrement, du MCU. Hein. Mais non, parce que mais non, mais elle sert d'introduction pour d'autres. C'est ça que vous comprenez pas. Ah bon, vous l'apprenez. Mais oui, il y a certaines introductions pour d'autres, j'en suis certain. C'est con, mais tu vois, moi j'ai beaucoup aimé. Tu vas la revoir, She-Hulk, tu vas voir. Tu vas la revoir. On va la revoir, mais j'ai beaucoup aimé Faucon et le Soldat de l'Hiver. Ouais, très bien aussi, ouais. Alors, du coup, alors moi c'est celle-là que j'ai moins aimé. Bah, j'ai franchement, c'est une de celles que j'ai. J'ai aimé le premier épisode que j'ai trouvé digne du cinéma avec avec la première scène avec le Faucon, là, le combat dans les airs, dans le Canyon, dans le Grand Canyon, j'ai adoré. Et après. Bah, tu sais quoi, moi, j'ai beaucoup aimé tout ce côté qui traitait ce qui s'était passé pendant les livres des 5 ans. Le fait justement qu'il y ait des problèmes d'argent, qu'on les aide pas, que les banques c'est des gros enfoirés parce que les livres de temps pendant 5 ans ils peuvent plus justifier d'un salaire, donc on les aide pas. Tous ceux qui se sont fait saisir à cause de ça et tout. Et moi j'ai vraiment trouvé ça génial de se retrouver du côté du petit peuple. Voir à quel point ils en souffrent, parce qu'on n'en parle pas dans les films finalement de ça. Oui, parce que t'as des gens qui sont revenus du blip, c'est qu'ils avaient plus de maison. En fait, ils avaient une maison et ils sont arrivés, bah en fait c'est un autre propriétaire, ils comprennent que dalle quoi, ils sont fait exproprier pendant ce temps-là. Enfin, je trouve le sujet, ça fait plus politique comme sujet que vraiment. C'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé sur cette série-là, c'était ça, c'était vraiment ce côté. Plus touché au personnage plutôt que de toucher à la grande aventure, au grand machin, quoi. Le petit peuple, ce qu'il a vécu, ce qui s'était vraiment passé du point de vue humain. Et j'ai trouvé la série beaucoup plus humaine au final que beaucoup de quoi. Oui, mais bon. Mais la plupart du temps, je sais pas vous, quand vous en parlez aux gens autour de vous, la série qui revient tout le temps, qui est adorée, moi, c'est Loki. Et peu importe à qui je pose la question, c'est Loki. Pareil, les gens ont adoré Loki. Alors que, bon, moi, je l'ai trouvé sympa, Loki. Hein, elle va oui, sympa, ouais, j'ai trouvé ça sympa. Moi, j'ai adoré les deux premiers épisodes, mais vraiment adoré. Après, je me suis enquiquiné, mais. Faudrait que je la revoie, mais. Il y en a un qui n'est pas là qui vous dirait que la meilleure série du monde, c'est Moon Knight. Oh. Oui, j'ai oublié celle-là. tu vois, j'avais oublié aussi, mais il faut pas le dire. Bon, Laurent, si tu nous écoutes, tu n'as rien entendu. Ah, c'est excellent, Moon Knight. J'ai pas oublié ce que tu... C'est excellent. C'était, j'ai pas du tout aimé. Pourtant, l'égyptologie, les Français adorent ça. Le Français aime l'égyptologie. Oui, bon, enfin, c'est l'égyptologie de pacotille, hein, excuse-moi. Ça allait pas si Laurent fait... pense à Laurent si non non mais après là tu sais là il va nous écouter demain je pense ou après-demain il va être en PLS dans son canapé sans doute en train de dormir. On n'est pas d'accord sur plein de trucs avec Laurent, moi il aime Avatar, moi j'ai horreur de ça, enfin voilà. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi. Non mais là-dessus je te soutiens, en plus en 4DX je pense que t'as envie de gerber aussi. Non, on te balance pas de la flotte, non, un truc comme ça. Non, j'ai pas été le voir au cinéma, je l'ai vu en sur Disney Plus via le via VPN. VPN. Ouais. Alors moi aussi j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Voilà. Parce que j'arrive pas. Non, je j'accroche. Mais si genre en plus ça dure 3 heures, ça dure 3 heures, j'arrive pas. Je vais le voir au j'arrive cinéma pas. Et c'est la première fois de ma vie que je me lève pour aller pisser pendant un film. Alors que t'étais en 4DX, non? Non, non, non, non, je suis allé le voir en... Je me suis fait chier. Non, mais l'épisode... Non, mais le premier, il m'a tellement ennuyé. Quand tu dis aux gens, mais attends, je sais pas, moi, il m'a ennuyé. Genre, quoi? Attends, Avatar, c'est trop bien. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Mais attendez, vous prenez Pocahontas, c'est la même. Ah, mais c'est Pocahontas dans l'espace. C'est la même histoire. T'as grand-mère arbre, grand-mère feuillage, t'as tout. Ouais, non, mais... C'est Pocahontas. L'autre, il joue John Smith. Le soldat, là, il joue le commandant, je sais plus comment il s'appelle. Là. Donc, tu vois, c'est Pocahontas. C'est ça. Ouais, même ça le chien dans Pocahontas a plus de caractère que le méchant, pour te dire. Bon, bref, on revient à cet épisode 5 quand même. Parce que... ouais. L'épisode 5. C'est l'avantage de ne pas faire de feuilles de route, c'est que tu peux parler de tout, n'importe quoi. Donc voilà. L'épisode 5, donc, qui est pour moi, du coup, alors j'ose le dire, avec le 2, le meilleur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. C'est un des meilleurs, ou c'est peut-être le meilleur, oui. Avec le 2, moi le 2, j'ai beaucoup. De toute façon, Olivia Colman, l'actrice qui fait Sonia, là, qui faisait la reine dans The Crown, elle est tellement. Son personnage est tellement fun, franchement, il est énorme, quoi. C'est celle qui, alors pour ceux qui nous écoutent, c'est celle qui coupe le doigt. Oui. Au scroll dans la boucherie. Avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour, voilà. Ouais. Voilà. Mais en fait, je trouve que ce personnage, il est tellement drôle. Tu le vois pas beaucoup dans la série. On la voit pas assez, franchement. Tu la vois pas assez, ouais, c'est ça, en fait. Elle est vraiment, je sais pas si elle est tyrannique ou pas, tu sais pas trop, oui. Non, elle est sans sas. Alors, et par contre, tu vois, imagine un duo au lieu Talos et Fury, elle et Fury. Oh, ça pourrait être drôle. Ça pourrait matcher, ouais. J'imagine, c'est ce qu'on va avoir dans le prochain épisode, hein, parce qu'ils sont ensemble à la fin. Oui, c'est vrai. Mais ils sont ensemble. Mais t'imagines, toi, ça peut être super drôle. Mais c'est un parce super personnage. Un peu... J'espère qu'ils vont pas la liquider dans le dernier épisode, parce que j'aimerais bien la revoir. Bah après, je sais pas si elle sait réellement se battre, parce qu'en fait, au final, elle est toujours accompagnée de sbires. Quoique non, parce que quand elle chope les deux scientifiques scrêle, hein. Dans la maison... Je sais pas. Tu vas me dire, c'est possible, hein. Rod, je croyais que c'était pas un Skrull, en fait, c'en était un. Mika, c'est un... Non, je pense pas que c'est un Skrull. Et t'imagines, c'est Soren, la femme de Talos. Non, mais attends, t'imagines? Ouais. Après, ils te disent qu'elle est morte, donc j'imagine qu'elle a dû être enterrée, mais c'est vrai que... Bah, tu sais pas. Parce qu'il dit Gravik qui a tué ta mère, ou je sais plus, mais. Dans les Marvel, si tu parles de quelqu'un qui est mort et tu vois pas son corps, c'est qu'il est vivant. C'est tout le film, ça, mais. Ouais. En général, bon, c'est ça. Dans tous les cas, dans cette série-là, il y a deux, trois éléments marquants que j'ai notés. Je l'ai regardé hier. Donc, du coup, j'ai noté les deux, trois éléments. Notamment au niveau des Super Skrulls, on a cette idée de récolte. Alors moi, c'est là où vraiment ça m'a tiqué plus qu'avant. Je ne savais pas forcément entendu l'idée de récolte. Et on apprend qu'en fait, après la bataille, à la fin d'Endgame, Nick Fury a organisé ce qu'ils appellent, eux, la récolte. Enfin, lui, il appelle la récolte. C'est-à-dire qu'il a essayé de récupérer le maximum d'ADN de super-héros et de super-vilains. À cette époque-là, je crois que Gravik travaillait avec... Oui, il le dit. Gravik travaillait avec Fury. Et c'était lui qui était à la tête des collecteurs, hein, je crois. Ça va être ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, il a volé l'ADN de plusieurs combattants et que Nick Fury a en sa possession de nombreux ADN. Mais surtout, il y en a un qui a l'air d'intéresser. Parce que c'est lui qui en parle, mais pas les autres. Il parle de l'ADN de Carol Danvers, donc de Captain Marvel. Mais j'ai pas cette impression-là que Gravik est super intéressé par celui-là. Enfin, du moins, il ne transparaît pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que de ce qu'on voit, c'est l'ADN que va chercher uniquement Nick Fury. C'est la petite fiole. Mmh. Bah alors, je ne sais pas s'il n'y a qu'un seul ADN dedans, ou si... Oui, on ne sait pas, tu as raison, on ne sait pas. Ou s'il y a de toute façon, ça fait partie du plan final de Fury. Hein. Oui. Alors du coup, il le prend comme ça, tu sais, comme s'il lui donnait... Comme donc, je sais si, pas ce en qu'il fait, a pris. Comme si il a réussi ce qu'il voulait, en fait. C'est-à-dire? Ça fait partie d'un plan. Oui, je pense qu'il a un plan dans sa tête, parce qu'il va chercher l'ADN en Finlande, je crois. Il avait prévu de donner l'ADN, finalement, quoi qu'il arrive. Oui, mais du coup, est-ce que c'est vraiment l'ADN, enfin, c'est les ADN ou l'ADN, comme dit Mika, on ne sait pas s'il y en a plusieurs dedans. Mais en tout cas, donc maintenant, on sait ce qu'est la récolte, et en fait, l'objectif premier de Gravik, c'est de récupérer le maximum d'ADN pour les Super Skrulls. Je suppose que ça doit être pour ça. À mon avis, il va récupérer l'ADN de Rocket, il va se transformer en raton laveur et il va se faire buter. C'est possible. C'est ça le plan de Il Switch. Va glapir. Non, mais le c'est la fin de la petite pile. Par contre, s'il a l'intelligence de Rocket, il faut se méfier. Ouais. C'est clair. Parce que là, on est dans la merde. Il y a qu'un seul truc qui me déçoit, c'est qu'il a l'ADN de Groot et dit pas je s'appelle Gravit. C'est vrai. Ça aurait été excellent. Ah, ça aurait été excellent. Je s'appelle Gravik. Je s'appelle Gravik. Voilà. Un truc que j'ai vraiment aimé dans cet épisode, c'est que les Skrulls commencent vraiment à se rendre compte à quel point c'est un gros enfoiré. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il tue les siens, en fait, au final. Ouais, mais c'est ça. Il y en a un qui lui dit ouais, ça serait jamais arrivé, le président serait mort si t'avais trouvé ce que je t'ai demandé de trouver. Et qui lui dit justement bah, j'ai cherché, on n'a pas trouvé où tu nous as dit que Fury aurait caché ça. Et qu'il le bute. Et derrière, oui, puis après, ils se réunissent à plusieurs pour essayer de le buter, mais ils n'y arrivent pas à cause de ses pouvoirs. Ouais, cette scène est bien faite. Elle est intense et elle est super. Et c'est là où ils se rendent compte que c'est plutôt... Enfin, ça m'a fait rappeler cette scène dans l'épisode 2 où justement, alors je crois que c'est Soren qui dit, voilà, c'est un gamin malheureux, il a quelques problèmes aussi, pas psychiatriques, psychologiques, mais en fait, elle dit qu'il est assez solitaire, etc. Et on voit bien qu'il n'a pas forcément d'âme de leader. Parce que lui, il pense qu'être une âme de leader, c'est de faire peur aux autres, tu vois, pour qu'ils te suivent. Mmh. Et on n'est pas dans cette idée-là, en fait. Là, on voit bien que ils sont pas cons, les Skrulls. Tu vois, le mec, il tue les siens, quand même. Froidement, en plus. Comme l'autre, il dit avant de mourir, il dit, t'es pas un sauveur, t'es juste une... Comment il lui dit ça? Tu n'es pas le sauveur des Skrulls. T'es un tyran, ou je sais plus, un truc dans le genre. Oui, ça. Bon, en tout cas, on a franchement cette... Enfin, moi, j'ai bien aimé cet épisode-là. Comme le 2, je l'ai trouvé vraiment épisode essentiel, indispensable. 3 pas du tout. 4... Ça dépend. Mais vraiment, là, comme vous dites, cette scène-là, on voit vraiment le côté sombre de Gravik. Limite, moi, je me demande s'il perd pas les plombs. Tu vois, oui, il pète un câble. Oui. S'il pète un câble, parce que mec, je pense, il se scroll maintenant. Est-ce que tu vois, qu'il a pris, s'il n'a pas fait péter un câble. C'est ça. Donc, clairement, hein, vous êtes pas. On n'est pas une armée, machin et compagnie. Vous êtes juste des pions. C'est tout ce que vous êtes. Vous êtes personne. Vous n'avez pas de visage. Vous n'êtes rien. Et en plus, on le voit dans sa peau de Skrull. Oui. Donc bien vénère. C'est pas Hulk ce match là. Hein. C'est pas parce que Hulk il arrive. Hulk pas content. Donc, ça pourrait trop donner un combat Gravik contre Hulk. Je trouve qu'il manque juste un truc. Ça serait les 4 fantastiques, tu vois. Ah ouais, pourquoi? Bah, les Super Skrulls sont quand même les ennemis des 4 Fantastiques à l'origine. Ouais, mais bon. Donc, tu veux qu'ils fassent quoi, là? Bah, t'en as beaucoup qui râlent, justement, qu'il y ait une série avec les Super Skrulls et qu'on n'ait toujours pas les 4 Fantastiques en face, qui sont leurs ennemis principaux. Oui, mais après, c'est le MCU, t'es pas dans les comics, tu vois. Bah ouais, mais bon. Vu qu'ils ont les droits et qu'ils arrivent bientôt, ça a été annoncé. Ouais, ça, on en parle la semaine prochaine. Parce que moi, je pense qu'ils vont arriver moins vite que prévu. Ils vont arriver, mais moins vite que prévu. Ouais, le casting, je sais, je rêve pas, mais... En tout cas, ça, c'était marquant, je trouvais. Et aussi le duo Nick Fury et Sonia Falsworth, ouais, que je trouvais vraiment pas mal. On est quand même, comme dit Olivier, avec une actrice qui incarne à perfection cette Sonia. Et en plus, vraiment, un peu pince sans rire, tu sais. Génial, ouais. J'adore, vraiment. C'est là où tu regrettes... Enfin, moi, j'ai trouvé que j'ai regretté de ne pas l'avoir vu plus que ça. Oui, non, mais je te dis que c'est un personnage à exploiter, hein, franchement. Complètement. Même faire une série sur elle, ça pourrait être fun, hein, si c'est bien. C'est un peu comme. Attends, comment elle s'appelle son nom? C'est De Fontaine, je crois qu'elle s'appelle. L'actrice? Non, quand tu regardes Valentina Allegra De Fontaine, c'est ça. Si tu le vois, bah tiens, l'épisode, la série qu'a adoré Mika, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Dans la scène post-générique du dernier épisode, US Agent, il a un nouveau costume. Et il y a la comtesse Valentina Allegra de Fontaine qui vient le voir, qui est, je crois, des directrices de la CIA. Je sais plus. C'est elle qui engage après la sœur de Black Widow pour aller tuer. D'ailleurs, pour aller tuer. Vous avez vu qu'il y a un personnage de Black Widow dans le film. Oui, dans justement, on va en parler. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre de le voir. C'est qu'en fait, Nick, pour aller en Finlande, justement, on en parle. Pour aller en Finlande, il fait appel à Rick Mason, que tu vois justement dans Black Widow. Un peu l'homme à tout faire. Ouais, c'est ça. Et ça m'a fait penser, tu sais, un peu à l'idée que genre, il s'occupe des super-héros déchus, tu vois. Tu sais. D'ailleurs, la scène avec Fury. Sa carte de visite, tu vois. Mon super-héros déchu, venez me voir, c'est conciergerie, tu vois. La scène avec Fury, j'ai trouvé très drôle, d'ailleurs. Oui. Mais ce personnage-là est drôle. Ce personnage-là de Rick Mason est drôle, quand même. Moi, je le trouvais drôle. Mais il me fait penser, tu sais, vraiment à un concierge que t'appelles un peu au dernier moment parce que, genre, t'as un super-héros qui a des problèmes et tu veux un mec de discret, efficace, et tu l'appelles. Ouais. C'est un peu comme dans le film Pulp Fiction, tu sais, le gars qui vient laver le cadavre dans la bagnole. C'est des morceaux de cervelle dans la bagnole. Tu l'appelles, il fait tout, quoi. Il m'a fait penser à ça. D'ailleurs, j'ai pas compris dans quel avion il allait. Nick Fury, je dis, il est super l'avion, il est dans l'avion de qui et tout. Et puis là, t'as Rick Mason qui arrive. Tu fais, ah oui. Tout est prévu depuis le début. Tu penses? Mais oui. On a vu le faux Fury, là. Le faux Fury. Oui. Bon, justement, parlant de Fury, deux éléments restants, c'est la pierre tombale de Nick Fury, voilà, où on apprend que, là, il est en Finlande, où il explique pourquoi il est en Finlande, etc. Bon, il dit que les Skrull aiment le froid, voilà. Et en fait, là, il faut savoir, c'est que dans Captain America, le soldat de l'hiver, il y a aussi une tombe de Nicolas Fury. Puisqu'en fait, on a Steve Rogers, Black Widow. Oh, je sais plus qui sont les autres. Où ils se réunissent, tu sais, autour de la pierre tombale de Nick Fury. Ouais. Il vient les chercher. Et justement, Sonia Farnsworth demande à Nick, mais t'en as combien de tombes comme ça? Il dit, j'en ai plusieurs à plusieurs endroits. Donc, mais bon, t'en sais pas plus que ça. Et ça a l'air d'être des planques qui s'est faites, comme dit Olivier tout à l'heure, qui s'est faites un peu partout. Bah là, tu vois bien que c'est une planque, parce que je crois que c'est derrière, il va dans le caveau, où justement, dans chaque, il sort un. Bah, du coup, il sort, je crois, son cache-œil. Ouais, bah, tous sous son uniforme classique. J'espère que ça arrive pas trop tard, parce que franchement, j'aurais voulu que ça arrive au moins à l'épisode fin du 4, tu vois. Parce que là, j'étais un peu déçu, mais putain, ça arrive à la fin du 5, et le 6 va durer 30 minutes, 40 minutes, ça va faire chier. C'est ça, c'est ce que je disais, il reste qu'un seul épisode, c'est un peu tard pour avoir Fury qui se bouge un peu le cul pour de vrai, quoi. Mais sauf si, et c'est là où je t'ai dit qu'il y a un lien avec Captain America, le prochain film, sauf si la série est une introduction au prochain Captain America. Ouais, ça va être une introduction à The Marvel, je suis convaincu. Ou The Marvel, ça, un peu importe. Qu'il va y avoir Captain Marvel plutôt. Donc en fait, du coup, on le voit avec les pierres tombales, les planques. Et on voit que, justement, on a parlé tout à l'heure, qu'il récupère l'ADN ou les ADN, on ne sait pas trop. Mais oui, il a un plan. C'est sûr, parce que Sonia Farnsworth, elle ne comprend pas ce qu'il fait. Tu vois bien, elle suit, fait « bon, bah, je vais te suivre », tu vois. Enfin, et puis, il appelle quelqu'un et il dit « ça a assez duré, on y va ». Oui, c'est ça. Il dit « ça a assez duré, on y va », mais on ne sait pas qui c'est. Voilà. Et à un moment, elle lui dit « c'est pour ça que... » Oui, à un moment, il lui dit à Sonia « mais c'est pour ça que je suis revenu ». À quel moment il dit ça? Bah, quand, pour les Super Skrulls, je crois, quand il commence à récupérer l'ADN. Il voulait la récolte, etc. Et c'est là, il fait, mais pourquoi je suis revenu, à votre avis? Il dit un truc comme ça, Sonia. Oui, c'est parce qu'elle lui dit, c'est votre faute dans ce cas-là, si tout ça arrive. Et il dit, pourquoi vous croyez que je suis là? Ouais, c'est ça. Mmh. Mais à ton avis, il appelle qui? Maria Hill, t'imagines? Ça serait un bon moment. Moi, j'y ai pensé. Non, mais t'imagines qu'il appelle Maria Hill? Ça serait naze. Ah non. Tu veux qu'elle fasse Maria Hill? Bah non, c'est trop bien. Oh non. Bah si. Bah non, il appelle qui? Il appelle pas sa femme, elle vient de se fighter avec Gaïa contre des Skrulls. Il appelle pas sa femme, il appelle qui? Captain Marvel, je pense pas. On verra. Okay. Alors Olivier, t'as une théorie, il appelle qui? Moi je pense que la politique de Marvel, c'est de faire du fric et de promouvoir leurs films. Je pense que ça va être lié aux films de Marvel. Oui, mais il appelle qui? Ça pas vision. Donc si on voit un Avenger, je pense que ça sera Captain Marvel. Après, ah, moi, je pense pour introduire le film. Parce que, surtout qu'en plus, Samuel L. Jackson a bien dit qu'il y avait un lien entre... Ça veut tout dire, quoi. Que, mais il y a toujours un lien entre les Skrulls et Captain Marvel. T'auras toujours un lien. Ça peut être Photon, comme ça peut être Miss Marvel, là. Hein. Tu imagines Miss Marvel, la gamine qui arrive. Attends, j'ai pété des bouches, viens là, Gravik. Je peux pas être Miss Marvel. Non, ouais, ok. Ouais, ou... Mais ça peut être... Ah, bref, Photon. Ça peut être Brie Larson, hein, aussi. Hein. Ah, je sais pas. Parce qu'elle elle est moi, dans le pas, film moi, aussi. Moi, je suis hein. pas sûr que ce soit un Avenger, ce qu'il appelle. Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui... Ça, c'est quelqu'un à qui il a travaillé, c'est sûr. On peut tout attendre. Ça va être Coulson. Coulson, ça serait non. Alors, je serais content. Ou Everett. Clairement, je serais content. Everett, peut-être. Ou Everett. Attends, il est resté. Il n'est pas resté au Wakanda, lui. Bah non, on le voit dans le premier épisode. Oui, on mais voit non, en c'est Skrull. En Skrull. Bah, Skrull. Justement, il est quelque part. Enfin, je sais pas. Bah, s'ils ont pris son apparence, techniquement... Ils l'ont capturé dans leur base. Il est capturé dans leur base parce qu'ils ont besoin de ses souvenirs. Donc, ouais, bon, on verra. Moi, je suis pas. Allez, moi, je vais me mouiller. C'est quelqu'un qui connaît, mais je pense pas que ce soit un super héros. Je pense pas. Je pense pas. Ouais. À part, il va forcément. Ils ont pas le budget à 3 à 200 combien millions d'euros 200. Bah, c'est énorme. Hein. C'est pour une série. Je crois que c'est le. C'est, ça a dépassé VandaVision, je crois. Et VandaVision, le dernier épisode, il dépotait hein, quand même. Oui, enfin, t'avais pas Samuel L. Jackson. Hein. Oui, non, mais attends. Il est bankable, lui. Enfin, il est bankable, à part Nick Fury, il fait plus grand chose quand même. Ouais, 212 ouais. millions. Ouais. Budget VandaVision. Ouais. Je vais regarder si je le trouve. Vas-y, 212 millions. Alors, ça coûtait apparemment 25 millions de dollars par épisode. VandaVision, il y en a eu combien 8, non 10 9, moi, non. Après, ils étaient très courts, hein. C'était 20 minutes à chaque fois. Il y a 6 épisodes, un truc comme ça, non? Je sais plus. 8, attends, je vais regarder. 8 ou 9? Non, attends, non, c'est si c'est 8, c'est un petit peu moins, c'est 200 millions. Ouais. 9 vois, c'est dans 9. Le même budget, quoi. C'était 10 à la base et c'est devenu 9. 9? Bah, c'est à peu près le même budget. Donc, quand même, tu vois, ça envoyait du lourd avant la vision à la fin, quoi. Ah oh ouais, ouais. Ah bah, j'attends un beau final hein, dans cette j'attends, oui, j'attends oui, en fait j'attends un je vais dire j'attends un épisode 6 du tonnerre mais qui va finir sur un cliffhanger où tu vas t'en mordre les doigts parce que moi je veux bien les Skrulls gagner. Je sais pas ce que t'en penses Tomika. C'est possible mais bon je sais pas trop si ça serait dans leur intérêt si c'est pour lancer un nouveau film derrière et je sais pas si c'est les Skrulls les méchants de Marvels. Donc, ouais, ça, et toi Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses quoi toi, épisode 6? Moi, ça, pour moi, ça va introduire le The Marvel, non? C'est. Ça peut pas ça... bien se finir cette série. Je peux pas, je vois pas cette série bien se finir. Je vois pas. Bah, si ça se finit mal, c'est quoi? C'est il gagne et non, c'est je la pense troisième guerre mondiale. Ça finit inachevé. Moi, je pense que ça finit inachevé. Je pense que tu, ça va. La fin de l'épisode 6, tu vas rester sur un. Mais dans, sur The, un Mar- plan. Dans The Marvel, tu auras forcément la conclusion de la série, même si ça se termine oui, mal. Oui, peut-être. Ça s'enchaîne. Oui, mais ce que je t'explique, c'est que je dis pas que ça termine mal ou bien, je dis simplement que cet épisode 6 ne sera pas achevé. Dans le sens où on n'aura pas la fin de l'histoire. Moi, je pense qu'on les Skrulls vont être battus, moi, je pense. Parce que Tu vois, sûrement des Skrulls qui vont s'allier aux humains et puis. Parce que là, quand tu regardes l'épisode, tu te dis ils sont foutus, puisqu'en fait Fury fait ce que demande Gravik. Tu te dis comment on va s'en sortir là. Donc je sais pas. Je suis en train de regarder un truc. Moi, je pense qu'il va y avoir un épisode qui va être pratiquement qu'un épisode sur le combat final, quoi. 40 minutes ou une demi-heure de combat, quoi. Bon, on verra. J'espère en tout cas, on verra. Donc, Olivier, toi, tu penses que ça se terminera avec les Skrulls qui perdent, point barre, et après, une petite transition oui, avec les Marvels. Moi, je pense qu'en fait, on va avoir le... Je pense que, comme je pensais dans le premier épisode, que Nick Fury menait tout le monde en bateau depuis le départ, qui jouait le vieux faiblard un peu fini, et puis on voit bien que non, puisque finalement, il remet sa panoplie du Fury badass. Donc je suppose qu'il va y avoir un épisode badass, justement, avec un combat final spectaculaire, à mon avis. Je pense qu'on va avoir un super-héros, effectivement, au moins un qu'on connaît, oui. Brie Larson, peut-être. Captain Marvel. Ou... Je pense qu'ils vont nous mettre du spectaculaire. Alors ça, je pense comme toi. Mais... Il y aura forcément un super-héros si on veut du spectaculaire. Oui, il y en aura forcément un. Je pense. Mais je pense pas que ce soit un super-héros avec des pouvoirs. Comme Miss Marvel. Et toi, Mika? Moi, je pense que oui, pareil, ça va envoyer du lourd sur le dernier épisode. Moi, comme je disais, je pars plus du principe que ça sera Photon qui bosse pour le Sword, qui interviendra, puisqu'elle fait partie de The Marvels, et que... elle est censée être avec Fury dans The Marvels. Donc je pense plus que ce sera elle qu'on verra, sachant qu'elle était déjà dans WandaVision, donc ça ferait en plus un lien avec les autres séries. Mmh. Après, je me demande, pour moi à la fin, je me demande si l'autre va pas réussir à récupérer les... comment on appelle ça, l'ADN des autres héros et réussir à s'enfuir à la fin, et que justement dans The Marvels... Mmh. Ce serait d'aller le récupérer à l'origine avant qu'il y ait tout ce problème d'inversion de corps. Chaque fois qu'il y en a une qui utilise ses pouvoirs, qui sera le gimmick du film. Mmh. Ouais, c'est possible. Ou est-ce que Fury va, vu que c'est le Fury de l'univers Ultimate comme dans les comics, est-ce qu'il va aussi avoir ses pouvoirs, vu que c'est un mutant dans les comics? Oui, c'est vrai. Sachant que la sortie de The Marvel, c'est le 10 novembre 2023. Donc on serait dans la suite de Secret Invasion, hein, c'est pas impossible. Ah, c'est ça. Donc initialement la sortie était prévue pour 2022. Est-ce que justement ils ont pas sorti, ils attendaient de sortir oui, je pense qu'ils auraient sorti de Secret, peut-être qu'ils attendaient de sortir Secret Invasion avant. Je crois que la série est prête depuis longtemps, il me semble, hein. J'ai cru ouais. Entendre ça. Ah, oui. Hein. Ouais, ils ont leur retardé à la sortir aussi. Elle devait sortir à Noël déjà de base, je crois. Ouais, un truc comme ça, je sais plus. De base. Pas certain de l'info, mais je crois qu'à mon souvenir lointain. Elle était bouclée depuis longtemps, je crois. Donc voilà, mais je pense que oui, il y a moyen qu'à la fin, ouais, ce soit ça, que l'autre arrive à récupérer plus de pouvoir, arrive à s'enfuir et qu'il faut aller le récupérer dans l'espace. Et que, ouais, c'est peut-être que c'est sûrement le prochain méchant. Ou... C'est peut-être pour ça que du coup, c'est relié à The Marvels et non pas qu'ils interviennent aucune des trois, mais. Et vous croyez pas qu'il y aura un lien avec Captain America? Ouais, je sais pas, j'ai ce sentiment là, moi. Bah en fait, c'est loin quand même le prochain film Captain America. Bah quoi. Non, c'est mars 2024, je crois. Bah c'est après, donc c'est pour ça. Si, c'est... Moi, ce que c'est, ça s'appelle The New Order, ça me fait vraiment penser, tu sais. On en a parlé autre fois, comme l'Empire contre-attaque, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Oui. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Un nouvel ordre qui va émerger, je sais pas, et du coup, ils vont devoir un peu... Bah, comme les Américains, ils luttent pour la liberté, tu vois. Mmh. Est-ce que... C'est censé être l'apparition des mutants, donc... Il y a moyen que ce soit l'apparition des mutants, justement, qui cherchent leur... à être posés, quoi. Bon, ouais, on verra, en tout cas. Utilisé comme quoi, tu sais, le... Merde, comment ils appellent ça là, le truc géant là qui est sorti de la Terre là dans les Éternels. Oui. Comme quoi. Oui, on voit de quoi tu parles. Ce truc là, en fait, est devenu l'île sur laquelle les mutants s'installent et serait fait d'adamantium. Ce qui pourrait être énorme, qui créerait une surprise générale, c'est Howard the Duck. Ouais. Là, ça t'imagine un duo Nick Fury Howard the Duck? Je pense que Fury, le sort de cou et le cuit. Hein. En fait, c'est un duo comique, c'est pas non plus un... Je préfère, franchement... Ça pourrait être terrible. Oui, alors qu'en faut-il le classer comme un super-héros. Mais il y a eu un film, je crois, World le canard. Hein. Mais oui, bon, oui, dans les années 90. Dans les 86. Ouais. 86 ouais. 80 peut-être, ouais. On n'en parlera pas trop, même si... Franchement, à chaque fois que je le revois, il me fait mourir de rire, ce film. Il est horrible, en vrai. Il s'est vu, c'est dans Gardien de la Galaxie qu'il joue au poker, je crois. Je suis vachement déçu qu'on le voit dans plusieurs films. Et je crois que c'est dans le 2, dans le 1, où il est chez le collectionneur, où il est enfermé dans une cage, quoi. Où il boit un verre dans la scène post-générique avec le collectionneur. Oui, c'est ça, ouais. En tout cas, j'espère que Oui. ça va dépoter. Du coup, tes théories, alors, c'est quoi, alors, du coup, tes théories la théorie pour toi, donc saison 6, pour Olivier, c'est définitif, ça se finira bien, avec un petit lien à la fin, clin d'œil à The Marvels. Mika, toi, c'est ça se finit bien et pas bien à la fois, parce que c'est genre, il s'enfuit avec la fiole, et du coup, Miss Marvel va devoir essayer de le récupérer. Oui, Un ça, je truc suis un comme peu. ça. C'est possible, ça, effectivement, mais ça se finit bien quand même. Parce qu'il Pour moi, gagne pas. pour moi, il n'y aura pas de fin définitive. À mon avis, il faut regarder un film après. Oui, On ah oui, verra. je suis d'accord. Bah, t'as moyen que les Skrulls, comme j'ai dit, se retournent contre lui et qu'au final, ils aident les humains et genre, ça va aider à ce qu'ils se fassent intégrer et qu'au final, pas un brin. Mais après, c'est possible hein, que le nouvel ordre soit l'ordre des Skrulls aussi dans le prochain film et que, mais pas forcément en tant que méchant. Parce que là, pour le coup, tu te rends compte quand même qu'à la fin, ils changent un peu d'avis, quoi. S'ils suivent l'autre, c'est parce qu'ils en ont peur. Oui, bah tu le comprends mieux à l'épisode 5 quand même, mais comment tu le voyais pas forcément avant, parce qu'ils y allaient bêtement comme si ils voulaient la planète Terre pour eux. Là, tu vois bien qu'ils le suivent parce qu'ils ont peur de lui. Donc c'est pour ça que je te dis, je pense que tu peux avoir un truc sur la fin, comme quoi ils se rebellent un peu et qu'au final ils vont les aider, ou ceux qui tu vas découvrir que des persos que tu vois depuis le début ce sont des Skrulls et qui ils vont reprendre leur apparence pour se battre ou dire on était là, mais regardez, on n'est pas du mauvais côté. On verra. Ça sera le grand mystère. C'est ça. Les gars, je vous remercie pour cet épisode. Merci Franchement, j'ai à trouvé toi. sympa à faire. Faire une rétrospective comme ça sur plusieurs épisodes, c'est Ouais, plutôt c'est pas pas mal. mal. C'est pas mal. Ça permet en plus d'avoir les avis de chacun suivant les moments. C'est vraiment pas mal. La semaine prochaine, c'est l'épisode 6. Alors, à voir si on enregistre en regardant ou si on fait un débrief. Voilà. Et on va espérer que Olivier. Je vais avoir du mal à tenir à... si on enregistre le jeudi. Il sort la J'avoue que veille, moi, ça va mercredi, ça va être dur. Je vais essayer de voir parce qu'il faut qu'on soit tous synchro, quoi. Donc, si par exemple, Mika, tu reprends, t'es en congé, toi? Non, je reprends lundi, donc j'ai pas encore mes. J'aurai normalement mon planning Ouais, que parce que demain. ça se trouve, ça va pas être possible parce que Mika, s'il reprend le Oui, boulot, ouais, non. ça va être. C'est Voilà. ça. Au pire, c'est pas grave. Dans tous les cas, la semaine prochaine, c'est sûr et certain, on enregistre jeudi à 21h. Voilà. Normalement, Mika, tu finis avant. J'espère. Voilà. Donc, au pire, tu prendras en cours de route. Au pire. Au pire, au mieux. Voilà. Olivier, vous le retrouvez. Alors, c'est Olive in Wonderland. Olive in Wonderland sur YouTube. Vous le retrouvez aussi, alors, sur YouTube. Et vous le retrouvez aussi sur certains podcasts de MSA. Tout à fait. Main Street Actu. Voilà. Et voilà. Et est-ce qu'il y a des nouveautés, Olivier, sur ta chaîne de prévu? Parce que là, tu nous as mis en bouche avec l'anniversaire de Laurent. Oui, bah Mais. j'attends que Laurent mette la suite, hein. Il a les rushs, Ah, il c'est veut lui qui a la le... suite. Oui, normalement, je lui ai laissé le champ libre de tout mettre. Donc, si vous voulez voir Laurent faire de l'ASMR, c'est le moment d'aller voir la vidéo. C'est SMR en faisant Donald. En Tout faisant en faisant Donald. Donald. Ah non, encore plus dur. Encore plus dur. Donald en ASMR. Voilà. C'est encore plus dur. Et la prochaine, c'est quoi? C'est un vlog matinal? Je sais pas Parce encore. que maintenant que tu as un pass tout neuf, tu peux faire Oui. un vlog tout neuf, quand même. Oui, je pourrais, oui. Maintenant, je sais pas quand est-ce que je peux pas retourner au parc le week-end prochain. Je vais peut-être y aller un soir en semaine après le boulot. Ah oui, Pour là, tu vas pouvoir, avec le nouveau pass, normalement, on va pouvoir comme à tourner. l'ancienne, comme il y a longtemps. Ah ouais. Ah, moi, c'est sûr, j'ai hâte. C'est vraiment comme on faisait avec mon épouse et Salomé, avant que Clémence naisse. On disait, oh bah tiens, oh il est 17h, je sors du boulot. Ben Oh, on voilà, irait bien se faire un coup d'un ça tu peux le matata, toi. faire, ouais. Tu arrives, on a 2 heures de route, donc quoi, pour partir. On arrivait au coup d'un matata à 19h30, 20h, 21h, 20h. On mangeait et puis après on allait à l'hôtel et on retournait au parc le lendemain. J'aimais bien faire ça. Ouais. Ça, c'était vraiment bien, franchement. Ou tu sais, c'est pas si t'es arrivé, mais t'appelles les copains. Salut mec, vous êtes où? Petite bière au Disney Village. Ouais, ok, j'arrive dans 2 heures le temps que je réserve l'hôtel. J'aime bien. Voilà. Mais bon, ça va, y a pas besoin de réservation pour le Disney Village. Bon. Voilà. Et Mika, bah, je ne demande même plus parce que il n'y a pas de nouveau tatouage. Retrouvez ces lunettes de Men in Black en vente sur Vinted aussi. Non? J'ai un nouveau tatouage, moi. T'as un nouveau tatouage? Ah bon? Ouais. C'est... Je l'ai pas vu. Tu me montreras. Ouais, est-ce qu'il est visible? Tu le vois là, il est là. Non, je vois pas ta ma caméra. Ah bon? Et là, tu vois? Non. Depuis le début, je vois pas ta caméra. Non, mais ah depuis bon le début. Pourtant, je. Ouais, bon, ouais. Non, mais je vois juste des problèmes de connexion. Parce que vous... Je te vois. Mais la connexion soit bonne. Je t'ai pas vu une seule fois depuis le début. C'est marqué OS. D'accord. Je vous vois tous les. Non, mais c'est ma connexion. Elle est. Moi, je te vois. Alors, est-ce qu'il est beau son tatouage? Bah, j'ai du mal à le voir parce que. En fait, avec ses lunettes de soleil, évidemment, c'est dur. En fait, c'est un poil plus bas pour moi. Ton tatouage est un poil trop bas. Et là? Ouais, là, je vois. Ouais, c'est sympa. C'est le logo de Big Thunder Mountain. Ah, bah oui, la meilleure attraction du parc. De l'univers. Ouais. Donc, en tout cas, et pour faire plaisir à Mika, il faudra qu'on enregistre aussi un épisode bonus sur The Flash. C'est prévu, pour parler du meilleur Batman du monde. Voilà. Ouais. Puisque l'épisode bonus sur le Mandalore... qu'est-ce que j'ai dit? Le Mandoverse est prévu d'ici 3 semaines. Il sort dans 3 semaines. Donc voilà. Super. C'est bien, en plus, ça sera une bonne suite à l'épisode de MSA. Exactement. Mmh. Voilà. Voilà, voilà. Et je sais pas si Tony regarde Secret Invasion, je crois pas. Si, regarde. Si, regarde. Bah, si on peut le choper. Oh, chiche! On chope Olivier, Tony et vous deux et je fais des petits jeux comme je faisais avant. Non, pourquoi pas. Ouais, alors je vais essayer d'écrire à Tony en même temps. Je vois. Bon, on va voir s'ils peuvent être là. Ok. En tout cas, les amis, merci beaucoup. 1h30, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré aussi longtemps. En tout cas. Bon anniversaire, ce qu'on enregistre, il est 20 juillet. Donc, bon anniversaire à l'Avenger Campus pour ses 1 an aujourd'hui. Voilà, bien, bon anniversaire. Le fief, voilà, avec le PIM. Voilà. Si vous goûtez de la mayonnaise bleue, allez-y, c'est magnifiquement bon. Voilà. Oui, il y a de la mayonnaise bleue, Mika. Oui, elle est très bonne. Elle est très bonne. Et c'est du sang de Skrull. Il est violet, il est normal. Ah oui, bah, tu mélanges avec le ketchup. Voilà, ça te c'est fait du sang ça de Skrull. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain et dernier épisode de la trilogie sur Marvelicious. Après, ça sera 2 épisodes bonus. Peut-être un 3e, puisque les gars, n'oubliez pas qu'il fallait voir le dernier Indiana Jones. Je dis ça alors que je suis le seul à ne pas l'avoir vu, puisqu'on fera un topo complet sur tous les Indiana Jones. Voilà. Dont le gros nanar qu'il y a eu qui, avec les crânes. Voilà. Quoique, il paraît qu'il y en a certains qui l'ont aimé. Tant mieux dans un sens. Faut moins que ça plaise à tout le monde. Voilà. Et après, ben, on va attendre la prochaine série Marvel, ce qui est, je crois, Loki en octobre. Si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Ça ouais. C'est ça. Mais en septembre, on aura normalement la série Gamora. Gamora. Ah oui, Star Wars. Ah oui, hein, la série Star Wars Gamora. Donc, Gamora. Je fais une série Gamora. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je suis sûr en plus que ça intéresserait les gens. Ouais, avec Stallone et tout, ça serait trop bien. Oh, ça. C'est une scroll, elle est toute verte. Ah, ouais. Déjà, c'est une scroll. Talos a le menton d'un scroll. Thanos. Bon, allez, sur ce, on bavarde, mais faut bien les doter. L'épisode sera tout à l'heure en ligne, du coup, voilà. Tony, si tu nous entends, tu le peux faire en 1 heure, t'inquiète pas. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous. Merci pour l'écoute. À bientôt. Bye. Bye.